Melchior s'était lentement accoutumé aux idées nouvelles et déstabilisantes qui avaient été semées en lui. Il tenait à présent pour à peu près certain que l'autorité, quelle qu'elle fût, l'avait choisi pour faire partie d'elle, et qu'on lui faisait signe à travers tous ses textes, qui, à la manière des pièces d'un puzzle, lui faisait découvrir progressivement le motif caché. Il n'était pas ici par hasard. Cette île, si petite, cette communauté, si étroite, aurait pu former une excellente résidence surveillée par un homme soupçonné de dissidence. Mais elle pouvait également constituer un magnifique laboratoire d'analyse et d'entraînement, le cadre idéal pour une épreuve initiatique. Les règles du jeu étaient à deviner, et il les avait presque en main à présent. On lui donnait assez d'indices pour aiguillonner et diriger sa réflexion. On attendait de lui un esprit déductif et synthétique, curieux et audacieux, à la fois rationnel et ambitieux. La conclusion à laquelle il était arrivé était à la fois simple et totalement invraisemblable pour un citoyen de base. Melchior pensait que chaque cercle, chaque communauté, possédait son propre démiurge. Un chef masqué qui tirait les ficelles en prétendant être une marionnette comme les autres. De là, la seconde règle du jeu devenait évidente. Il devait trouver de qui il s'agissait. Par souci de méthode et de modération, il s'interdisait pour le moment toute conjecture face à la règle numéro 3. Il essayait de concentrer son attention sur l'énigme non encore résolue. Un certain nombre d'éléments le portaient d'ores et déjà vers deux pistes, celle de ce vieil homme qui demeurait en retrait, dont les ordres lui interdisaient de s'approcher et qui paraissait en savoir plus long que beaucoup d'autres, et celle de Gautier, que sa position centrale sur l'échiquier de l'île rendait suspect. N'était-ce pas lui qui avait accueilli la fratrie ? Dans cette double perspective, Melchior avait donc deux femmes à séduire, la jeune Clara, qui se pâmait devant lui et dont il soutirerait bientôt tous les renseignements voulus, et Serena, qu'il convenait de traiter avec plus d'égard. Il était un prédateur, mais pas un charognard, et bien que la rupture de Serena et de Brugge se soit ébruitée à son de trompe le lendemain même du dîner, il se résolut à ne pas la courtiser avant un délai décent. Les deux ou trois semaines qui suivirent furent donc consacrées à la piste de Gautier. Il rendit plusieurs visites galantes à Clara et encouragea l'amitié que la jeune fille commençait à nouer avec Albe. Il fit beaucoup de compliments à Olga et eut quelques conversations ridicules et sérieuses avec Gautier, agrémentées de quelques plaisanteries graveleuses. Il se découvrit même inopinément une passion commune avec lui pour le jeu de Sels, jeu de stratégie où Gautier était passablement médiocre, et où Melchior prétendait être néophyte pour le laisser gagner et distiller des conseils stupides le plus régulièrement possible. Ce fastidieux travail préparatoire était moins déshonorant que nécessaire, et lorsqu'il se sentit assez confortablement installé en la bergerie, il commença à songer à des modalités précises d'extraction d'informations. Le moyen le plus discret, le plus efficace et le plus direct était sans conteste d'accéder à l'ordinateur de Gautier. Repérer les lieux fut le plus simple. Quelques questions posées incidemment à Clara, une visite détaillée de la maison avec Olga, qui lui réclama une certaine concentration car la vieille femme s'obstina à l'abreuver de commentaires et de questions, lui suffirent pour localiser le terminal. La partie la plus délicate du travail serait de mettre la main sur le code d'accès personnel de Gautier. Il dut attendre longtemps qu'une opportunité se présenta. Il dut même prendre le risque d'inviter Gautier à consulter ses propres fichiers pour gagner sa confiance. Les codes personnels permettaient non seulement d'avoir accès aux ordres, mais également d'obtenir un certain nombre de services informatiques et télématiques. Ces services, il le savait par expérience, variaient d'une personne à l'autre, d'une situation à l'autre, et il était probable que Gautier, en tant que père de famille émérite, soit gratifié d'un certain nombre de privilèges auxquels Melchior, pour de multiples raisons, n'avait pas droit. Il se mit donc à observer, dans la visite quotidienne de la maisonnée, à traquer, dans les innocences de Clara, tout ce qui pouvait servir son plan. En plus des denrées habituelles qui arrivaient pour toute l'île une fois par mois par bateau, Gautier recevait un certain nombre de choses que Melchior était sûr de ne pas avoir vues dans ses propres menus, et notamment des neuroleptiques puissants, destinés à Nils ainsi que le confirma Clara. À partir de là, Melchior n'eut qu'à mettre au point son dispositif. Il s'appliqua d'abord, non sans quelques scrupules, à plonger sa sœur Albe dans un état de crise, il la connaissait si bien et se sentait si familier de ses peurs qu'il n'avait presque rien à faire pour jouer d'elle. Il modifia imperceptiblement son comportement, lâchant des regards inquiets ou menaçants. Il dérangea les objets quand il passait quelque part, arpenta les couloirs en pleine nuit, en courant parfois devant sa porte. Quelques jours de ce régime suffirent.